Chapitre 6e. Je revins à Rio, et le plus tôt qu'il me fut possible, je commençai les portraits de l'impératrice et des deux princesses. Tous les jours, j'allais à Saint-Christophe, à une lieue de la capitale. Les séances avaient lieu dans la bibliothèque de l'empereur. La tenue de rigueur était l'habit noir. Or, comme il m'était difficile de trouver des ouvriers qui comprissent ce dont j'avais besoin, j'étais obligé de tendre mes toiles moi-même, en costume de cérémonie, après avoir eu bien de la peine à expliquer comment se font les châssis. Car ne sachant pas le portugais, il me fallait donner mes indications par l'interprète, ce qui me gênait à chaque instant. Le plus ordinairement, je venais à Rio à pied. J'étudiais le portugais en chemin. Je me reposais ça et là, je faisais des croquis, et je revenais de même, toujours lisant ou dessinant. Dans le palais de la ville où je m'étais installé, je jouissais d'une liberté entière. Pour éviter l'ennui de passer dans les cours où étaient les factionnaires, on m'avait donné une clé qui ouvrait une porte du côté de la rue de la Miséricorde. Cette clé fut pour moi, à première vue, l'objet de deux sentiments bien opposés. L'un du plaisir de pouvoir entrer et sortir à toute heure sans contrôle. L'autre de stupéfaction en voyant la longueur de cet instrument vraiment prodigieux. Aucune de mes poches n'était capable de le contenir. Cependant, je l'acceptai avec gratitude, me réservant une péto de faire des allonges à chacun de mes pans d'habits, projet que je mis à exécution sur le champ. Mais je ne pus dissimuler que parfois l'habitude me faisait oublier cette clé à laquelle était liée mon existence. Alors, s'il m'arrivait de m'asseoir, on me voyait me relever avec la vivacité d'un homme qui vient de marcher sur un serpent. Après tout, je m'habituais peu à peu à mon cauchemar. Dans les intervalles de mes travaux, j'achevais d'étudier la ville. J'allais tous les jours au marché. C'est là que l'on juge le mieux les habitudes du peuple. Chaque matin, des embarcations venant des îles voisines apportent des provisions d'oranges, de bananes, du bois, des poissons. C'est un spectacle étrange, où l'on ne voit que nègres qui se culbutent, crient, appellent, rient ou pleurent, et comme ces barques ne peuvent approcher du quai, à cause d'un talus en pierre qui descend pente vers la mer, d'autres nègres, armés de paniers ronds, se précipitent au-devant, se jettent dans l'eau et quelquefois font la chaîne pour arriver plus tôt. Quand la marée est haute, le sabbat ordinaire augmente. On se pousse, on s'ahurit, on tombe à l'eau, on gâte la marchandise et les coups de bâton récompensent les maladroits. Plus loin, des négresses abritées sous des baraques faites à la hâte distribuent aux uns le café, aux autres des écuelles pleines de carne seca et de feijoène, de haricots, nourriture habituelle des gens de couleur et bien souvent aussi des classes plus élevées. Sur le quai se promènent les revendeurs, attendant et guettant de loin les objets qu'ils veulent acheter. Ce qui m'intéressait par-dessus tout, c'était des brochets d'oiseaux de toutes couleurs. J'aurais voulu les acheter tous, mais l'art de les conserver que j'ai acquis dans la suite me manquait alors. En face de ce quai si animé se trouve le marché intérieur où l'on vend des paillassons, des nattes, des calebasses et généralement des ustensiles de ménage. Là se vendent aussi et se découpent d'énormes poissons. Là enfin sont les marchands d'oiseaux et de singes. Je m'étonnais toujours de voir combien on s'empressait peu d'acheter ces oiseaux d'une richesse et d'une variété de couleurs si admirables. Si, dans les rues, on voit accroché à une fenêtre une petite cage en jonc, on est sûr que c'est un serin ou un chardonneret qu'elle renferme. Il en est de même des fleurs. On ne rencontre presque pas de fleurs tropicales à Rio, des roses toujours. Mon temps se passait agréablement. Je travaillais pendant une partie du jour. Je dessinais des paysages. Je recevais de nombreuses visites. Tous les journalistes me traitaient avec beaucoup de bienveillance. J'avais acheté une redingote noire. J'avais chaud, mais j'étais considéré. Cela eût dû me suffire. Que me manquait-il ? Logé dans un palais, je voyais de mes croisées la chambre des députés et j'entendais, sans me déranger, de beaux discours. Je voyais aussi manœuvrer la garde nationale, avec ses sapeurs, dont les tabliers étaient barrés selon les régiments, les uns imitant la peau de tigre, d'autres ornés de deux plantes nationales, le thé et le café, peints à l'huile d'une façon réjouissante. Je pouvais admirer tout à mon aise l'armée et messieurs ses officiers, portant sous le bras le bonnet à poil ou le shako. Devant moi s'exécutaient des manœuvres savantes, dans lesquelles je remarquais avec plaisir la prudence qui anime en tout lieu la garde nationale. Chaque soldat citoyen, dans l'intérêt de son voisin sans doute, faisait feu un peu avant ou un peu après le commandement en détournant la tête. D'une belle toilette en marbre blanc du palais, j'avais fait une table à manger et je me composais d'assez bons repas, où abondaient les conserves, les bananes et les oranges. Mais il me fallait toujours disputer mon dîner aux invasions des fourmis. Le soir arrivé, si je restais à prendre le frais à ma fenêtre, vis-à-vis de moi une chambre s'éclairait, une guitare et une flûte s'accordaient, puis des voix lamentables psalmodiaient des romances sur des airs d'enterrement. Ces chanteurs funèbres parfois s'attendrissaient, roulaient et levaient les yeux au plafond. Le sentiment les débordait. Cela durait, hélas, jusqu'à 2 heures du matin. Dans de pareils moments, si quelqu'un se fût approché de moi, j'aurais mordu. Mais le plus ordinairement, à la tombée de la nuit, je montais au castel, cette petite colline où sont les signaux et qui est dans la ville même. J'ai passé là de bonnes heures, contemplant toujours avec admiration l'immensité de la baie, avec ses îles si nombreuses que la vue ne peut toutes les embrasser. Du côté de la mer, la Sierra des Orgaos se découpe sur l'horizon en forme bizarre. Quand j'avais regardé longtemps à une même place, j'allais m'asseoir à quelques pas plus loin, et le spectacle était toujours nouveau pour moi. La nuit venait peu à peu, la plaine et la montagne se couvraient de feu, la ville s'illuminait à mes pieds. Quelquefois je m'endormais sur le parapet, d'où le moindre petit mouvement m'aurait précipité à quelques centaines de toises, sur un chemin ou sur un rocher. Quant à me promener dans le magnifique rue d'Ouvidor, je m'en gardais bien. Il me suffisait d'y avoir entrevu les belles brésiliennes étalant leurs toilettes aux lumières des boutiques et suivies, selon l'usage, d'une ou deux mulâtresses ou d'autant de négresses et de quelques négrillons, le tout marchant avec lenteur et gravité, le mari en tête. Du reste, dans ces toilettes, presque toujours de couleurs très voyantes, j'avais remarqué un esprit d'économie et d'ordre que nos Françaises n'ont pas toujours. Ces couleurs un peu exagérées peuvent, en effet, braver impunément le soleil pendant quelque temps, puis elles se transforment en nuances plus tendres, ce qui produit un changement complet de toilette sans nouveaux frais. Chaque jour, à l'un des bouts de la rue, j'aurais pu entendre une douzaine d'orgues et autant de pianos qui jouaient ensemble pour attirer les chalands aux boutiques. C'était à qui ferait le plus de bruit, mais je m'étais lassé bien vite de la ville et de ses distractions. Je dois noter cependant 2 processions qui défilèrent sous ma fenêtre. L'une d'elles avait pour objet de célébrer Saint-Georges. Tous les grands dignitaires faisaient escorte à un mannequin à cheval, cuirassé de pied en cap, représentant le saint. De loin, je l'avais pris pour un personnage naturel. Par hasard, et comme pour me tirer d'incertitude, les gens chargés de surveiller le glorieux cavalier, l'ayant oublié un instant, un saut du cheval faillit le désarçonner. Dans l'autre procession figuraient de charmantes petites filles de 8 à 12 ans, habillées à la Louis XV, avec des manteaux de soie, de velours et surtout d'immenses ballons. Elles dansaient en s'avançant d'un air coquet. Par contraste, plusieurs d'entre elles étaient accompagnées d'individus, leur père sans doute, marchant fièrement à côté d'elles, avec des soutanes vertes rouges, des parapluies à la main et un cigare à la bouche. Les officiers de l'armée, toujours leur bonnet à poil ou leur shako sous le bras, portaient des effigies de saints et de saintes. Un tambour-major, tout rouge des pieds à la tête, précédait les sapeurs attablés couleur tigre. À l'arrière-garde, des nègres tiraient des pétards dans les jambes des curieux. C'est un usage qui paraît inséparable à Rio de toute fête, religieuse ou autre.